galère pour trouver le bon chemin. Car j'ai assez souffert, j'attends juste que l'on me tende la main. Après pas tant, j'ai perdu les spules et lendemain. Je me suis perdu en chemin comme étant dans un trou noir. À ne plus croire en l'espoir, en ne voyant que des désespoirs. J'étais déjà mort à l'espoir dans mes rêves et j'avais tort de me dire que la chance ne me souriait plus. Et j'avais déjà perdu le combat de se battre contre soi-même en écoutant le combat. De trouver une raison pour retrouver le fruit de la bonne espérance. Car j'ai essayé toutes les cartouches, j'ai tenté ma dernière chance. Je me suis laissé abattre comme un con, comme les éboulements aux yeux de la raison.